soigner, et d'essayer de mettre au débat une notion complexe, qui est celle de théologie, très largement absente des discussions aux sciences sociales, en tout cas dans le domaine francophone, et de pouvoir réinstaller cette question au cœur d'un dispositif qui intéresse aussi bien les historiens que les philosophes, les sociologues ou les anthropologues, avec cette grande difficulté, enfin, cette idée que, au fond, la matière de la théologie, historiquement, est amenée à constituer les interrogations que se posent les sciences sociales quand elles sont constituées en tant que champ, au moins académique, mais avec cette grosse difficulté, comment définir le théologique, hein, comment se défaire d'une notion qui est très largement constituée dans un contexte qui est celui du christianisme occidental et plus spécifiquement médiéval. Et bon, cette année, nous avons essayé quelques stratégies qui ont consisté à contraster théologie avec d'autres notions, comme celle qu'on abordera la fois prochaine avec le droit. Et l'autre stratégie a consisté à essayer d'interroger la théologie d'ailleurs, alors qu'il s'agisse d'autres aires culturelles, ce que nous tenterons timidement de faire lors de la dernière séance au mois de juin. Et aujourd'hui, en invitant Claude Calam, en essayant d'interroger théologie avant la constitution de ce champ du théologique médio-occidental. Alors, c'était la question qui avait été proposée à Claude. Qu'en est-il de la théologie avant la théologie? Et au fond, sa réponse a été légèrement décalée. Et au fond, le décalage nous a paru très, très riche. Ça a été d'aborder, je cite son titre, Théologien sans théologie, point d'interrogation, mythe, rituel et poète en régime polythéiste grec, avec une parenthèse, une perspective d'anthropologie historique. Le grand intérêt de cette façon de répondre était de nous remettre dans une logique que nous avons essayé d'aborder dans une journée de travail organisée dans le cadre de ce séminaire au mois de janvier, le 24 janvier à Toulouse, qui avait précisément consisté à articuler théologie et rite. Et là, par l'intermédiaire de la question du mythe, et donc de tout le problème de la logique rituelle à travers laquelle nous allons aborder le problème du mythe, de nous remettre dans la question tellement riche du rite. L'autre intérêt d'aborder cette question mythérite était de permettre d'avoir la présence de Camille Tarot, qui n'avait pas pu, pour des raisons liées à des questions de santé au mois de janvier, nous rejoindre et pouvoir développer le texte qu'il nous a gentiment envoyé. Donc, au fond, la séance d'aujourd'hui s'organise de façon très très simple. Carte blanche à Claude, collègue de cette chère maison, et en remerciant chaleureusement d'avoir répondu à la demande, favorablement. Et puis, d'organiser une sorte d'échange entre Claude, qui va prendre la parole et qui va nous exposer son point de vue sur la question, et puis ensuite un dialogue s'instaurant avec Camille, et puis nous tous, c'est-à-dire qu'on a prévu la discussion, mais bien évidemment une discussion à deux et qui a vocation à s'élargir. Voilà, en vous remerciant tous de votre présence. Claude, merci de la parole. Remercier de votre invitation à intervenir dans ce séminaire. Je dois dire que j'ai un petit peu hésiter à aborder cette question de la théologie et de la relation entre la théologie et les sciences sociales. Et en guise de prélude, j'aimerais indiquer la double question, la double interrogation qu'a suscité chez moi tout simplement l'intitulé du séminaire, c'est-à-dire donc théologie et sciences sociales. Et je me suis imaginé deux acceptions possibles. Le titre d'abord suggère à mes yeux naturellement une approche de la théologie par les sciences sociales. Et alors, en ce qui me concerne, cette approche s'appuierait sur une, d'abord de manière générale, sur l'anthropologie culturelle et sociale, ou sociale et culturelle, mais dans la mesure où mon terrain d'exercice en quelque sorte est la culture grecque antique, cette anthropologie ou cette approche générale d'anthropologie sociale et culturelle est couplée naturellement avec une approche d'anthropologie historique. Quoi qu'il en soit, ce qui est essentiel pour moi, c'est la confrontation avec une culture autre. Et dans cette mesure, l'approche anthropologique correspond à un effort de traduction, à un effort de traduction transculturelle, transhistorique aussi. Il s'agit donc, de manière très générale, de traduire des représentations, mais on le verra naturellement aussi, des pratiques, des représentations et des pratiques que je qualifierais d'un terme qu'il est difficile de définir par ailleurs, des représentations et des pratiques symboliques, d'une autre culture, éloignée dans le temps en ce qui me concerne, éloignée dans l'espace en ce qui concerne l'anthropologie en général, en nos termes, en nos propres termes, avec un immanquable effet de filtre, et une traduction qui s'opère par le biais et par le biais de concepts opératoires. Je vais naturellement y revenir. Et puis, un deuxième point ou une deuxième acception, me semble-t-il, possible du titre, de l'intitulé du séminaire, c'est que cet intitulé supposerait ou laisserait supposer, en quelque sorte, que la théologie serait en concurrence, également d'ailleurs en concurrence institutionnelle, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait revenir dans la discussion, avec les sciences sociales, dans l'approche de ce qu'on appelle, de manière très générale aussi, de manière très globale, les faits religieux. C'est-à-dire donc des manifestations verbales, naturellement, mais aussi des manifestations gestuelles, des pratiques qui sont identifiées comme religieuses. Et alors, dans cette acception d'éventuelle concurrence ou convergence aussi entre approche théologique d'un côté et approche proposée par les sciences sociales de l'autre, référence est faite implicitement, me semble-t-il, à la théologie chrétienne, et à la théologie chrétienne comprise comme un ensemble de discours interprétatifs, peut-être aussi un ensemble de discours normatifs, d'ailleurs, sinon un ensemble de dogmes, en tout cas un ensemble de doctrines, dans l'Antiquité, chez saint Augustin notamment, ce que nous désignons par théologie, c'est la doctrina, et des discours, doctrines relatifs aux textes qui sont reconnus par les chrétiens comme vérité, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Et des discours qui sont relatifs à une connaissance de Dieu fondée sur la révélation, c'est-à-dire donc sur une vérité et une vérité révélée. Et alors, dans cette mesure, le titre pourrait induire ou pourrait sous-entendre une opposition entre théologie d'un côté, sciences sociales de l'autre, dans les objets eux-mêmes, avec du côté de la théologie une vérité, mais qui est une vérité révélée, évidemment, et du côté des sciences sociales, des manifestations culturelles, qui sont, dans une perspective comparative, comparatiste, évidemment, relative. Avec, évidemment, toutes les difficultés épistémologiques, les difficultés aussi idéologique qu'implique, me semble-t-il en tout cas, les perspectives théologiques qui sont fondées, en principe en tout cas, sur une foi, et puis les approches comparatives impliquées en particulier par l'anthropologie, mais de manière plus générale par les sciences humaines, des approches qui, dans cette mesure, sont davantage distantes et critiques, avec aussi des implications institutionnelles, notamment l'histoire des religions et une série de malentendus, semble-t-il, qui semblent régner ou qui semblent être entretenus, en tout cas dans les Divinity Schools des universités américaines, mais aussi dans les facultés de théologie des universités européennes, essentiellement d'ailleurs les facultés, enfin, à ce que je sais, dans les facultés de théologie protestantes. Ce que j'aimerais ici vous présenter, c'est... Non, ce que je voulais encore, je m'excuse, ce que je voulais encore ajouter, c'est que en filigrane, dans ces quelques remarques très schématiques de prélude, se dessine une définition, et une définition implicite de la religion, mais de la religion comme catégorie analytique. Et une catégorie qui englobe, d'une part, un certain nombre d'idées, un certain nombre de représentations, un certain nombre de croyances en relation avec ce que j'appellerais, pour être le plus neutre et surtout le plus général possible, une instance divine, une instance divine qui assume d'une culture à l'autre des formes extrêmement variées. Et puis, par ailleurs, et on y reviendra en conclusion, et ceci en écho avec le texte que vous auriez dû présenter à Toulouse, une série de pratiques collectives, ritualisées, et des pratiques collectives ritualisées qui ont en particulier la fonction d'orienter ces forces ou d'orienter ces puissances qui sont considérées comme surnaturelles ou qui sont considérées comme divines. Et là, je pourrais tout simplement citer la fameuse définition donnée par Durkheim, Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Là, c'est la page 65 de l'édition de 68, mais le livre, vous le savez, paru en 1912. Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Dans la mention de l'Église ou dans la qualification de cette communauté morale en tant qu'Église, on voit que la perspective ici est d'emblée une perspective christiano-centrée. Et cette perspective christiano-centrée est en fait au fondement de notre concept moderne, de notre concept encyclopédique de religion. J'y ai consacré une étude dont j'avais donné quelques éléments à l'occasion d'un séminaire sur le dictionnaire des faits, autour du dictionnaire des faits religieux ici. De ce point de vue, il faut quand même que je rappelle que ce terme de religio, donc il faut partir peut-être de son sens étymologique. Hein. Le sens étymologique de religio était donc contesté, comme vous le savez sans doute, dès l'Antiquité, puisque dès l'Antiquité, on mettait en relation religio avec relegere, c'est-à-dire donc relire, se remémorer, se rappeler, et puis l'autre sens, on trouve les deux possibilité chez Cicéron, c'est religare, c'est-à-dire lier. Et ce terme de religio, quelle qu'en soit l'étymologie, qui est donc contestée dans l'Antiquité et dans l'Antiquité classique, déjà, se réfère dans les, en tout cas dans ses usages latins, en général jusqu'à la fin de l'Empire, aux soins, à ces soins scrupuleux que les hommes mettent dans leur relation et dans leur relation avec les dieux au pluriel évidemment, puisqu'on a ce système polythéiste. Donc la religio comme exécution consciencieuse de pratiques, et de pratiques qui nous apparaissent à nous évidemment comme religieuses ou qui concernent les dieux. Et ce que l'on constate, c'est que c'est uniquement dans la confrontation et dans la confrontation du polythéisme gréco-romain avec le christianisme, avec le monothéisme chrétien, que religio renvoie à un contenu, c'est-à-dire non plus uniquement un ensemble de pratiques, mais aussi un ensemble de croyances. Ici, il faut se référer notamment à Tertullien, qui donne la religio chrétienne, comme vera religio, le problème de la vérité, hein, que je mentionnais tout à l'heure à propos de la théologie, ce qu'on peut entendre par théologie, s'opposant à la falsa religio, qui est évidemment la religion païenne, le polythéisme gréco-romain, ou le polythéisme romain dans le cas particulier, une religio chrétienne, vera religio, qui est d'ailleurs dite aussi nostra religio. Et dans cette mesure, Tertullien oppose aussi la religiositas à l'irreligiositas. Ça double cette opposition entre vera religio et falsa religio. Mais pour en revenir, encore une remarque de préalable, à l'intitulé même du séminaire, à son descriptif aussi, ce que j'aimerais essayer d'apporter ici, ce sont des éléments de réponse à la question, à l'une des questions qui figurent dans le document orientant le document d'orientation du séminaire. C'est avant le christianisme et au-delà de l'Occident, quel sens peut-il y avoir à parler de théologie ? Et en ce qui me concerne, de manière beaucoup plus précise, puisque le terme théologia est grec, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de déterminer s'il y a une théologie, une théologia grecque ancienne, et de savoir en quoi elle consiste. Et puis, une des autres questions qui est soulevée dans ce descriptif, c'est celle des relations entre théologie et rythologie. Et comme vous allez le voir, mon interrogation sur la théologia grecque va me conduire à poser la question du rite et donc de la rythologie, la relation entre rythologie et théologie. Je la laisse naturellement à d'autres. Et ceci m'amène à une troisième remarque, qui est une remarque de captatio benevolentiae. Ce que j'aimerais dire, oui, c'est que, en raison de cette filiation morphologique, mais aussi en question de cette filiation à la fois morphologique et sémantique qui est impliquée par le rapport même entre la théologia, le terme théologia grec, et puisqu'on entend communément par théologie, on pourrait adopter ici une perspective historique, enfin une perspective d'histoire des religions. Mais étant donné que je ne suis guère familier qu'avec le polythéisme grec, et ceci ce sera un petit peu au centre de mon exposé, par le biais des formes poétiques et de leur mode de performance et de leur fonction religieuse, je n'ai pas les moyens de poursuivre cette perspective historique ou cette recherche historique, ni en ce qui concerne le polythéisme romain, là je vous renvoie aux travaux de John Scheid, ni surtout pour les interférences qui seraient centrales pour la question que nous nous posons ici, entre les interférences entre le polythéisme gréco-romain, dans ses différentes manifestations d'un côté, et puis le christianisme, mais aussi le judaïsme. Et ici, je vous renvoie notamment aux travaux de Philippe Bourgeot d'un côté, de Peter Brown, d'autres encore, Jan Bremer peut-être. Donc, en ce qui me concerne, une approche d'anthropologie culturelle et historique, et j'aimerais m'interroger donc dans un premier temps, dans une première partie, sur le sens de ces termes théologos et théologia, et ceci entre valeurs émiques, valeurs indigènes, les valeurs qu'elles prennent dans leurs usages, ces deux termes prennent dans leurs usages grecs, et puis l'acception éthique, en fait, l'acception qui est notre acception du terme et du concept correspondant pour la théologie. Et puis, vous verrez, et ça ce sera la deuxième partie de mon exposé, que le résultat de l'analyse sémantique assez rapide à laquelle je vais me livrer à propos de théologos et de théologia conduit en fait à se focaliser précisément sur les figures de poètes grecs et sur des formes poétiques, et sur les formes poétiques qui renvoient d'une part à des récits fondateurs, donc c'est-à-dire à ce que nous appelons des mythes, de manière là aussi encyclopédique, mais aussi, non seulement à des récits fondateurs, mais aussi à des pratiques rituelles, à des pratiques cultuelles, et donc à des rites. Et j'illustrerai mon propos ici avec la tragédie, avec une seule tragédie, et une tragédie qui se conclut, c'est relativement souvent le cas, mais ça n'est pas systématique, de manière étiologique, c'est-à-dire que le déroulement de l'action dramatique débouche sur l'institution d'un rite, la dramatisation du mythe débouche sur l'institution d'un culte, et donc d'une série d'ailleurs de pratiques cultuelles, et c'est ce qui en conclusion me renverra à des réflexions générales sur le rite, d'ailleurs aussi sur le mythe, justement pour entrer en dialogue avec vous qui avez bien voulu accepter cette fonction de répondre. Donc je commence par cet exercice sémantique, et en fait les questions du sens historique de théologie et donc les questions du sens de terme théologia en grec est analogue au problème posé par le concept de mythe lui-même, puisque avec le mythe, on a adopté un terme grec, mais un terme grec pour désigner une réalité différente de ce que désigne mythos en grec. Et je crois qu'il s'agit, on est, du point de vue sémantique en tout cas, confronté au même problème avec théologie. On adopte le terme théologia, mais pour désigner une réalité, en fait, bien différente de ce que désignait théologia, qui est relativement peu utilisé d'ailleurs au IVe, pour nous en tout cas, au IVe siècle. IVe siècle, avant notre ère. Dans notre corpus, qui donc, je le répète sans cesse, qui est un corpus extrêmement lacunaire en ce qui concerne la littérature grecque, la littérature au sens propre, hein, de ce qui a été transcrit par écrit, le terme de théologia, il apparaît pour la première fois chez Platon, et chez Platon, dans un passage qui est d'ailleurs célèbre, c'est un passage de la République, je vous donne simplement ici la référence, 2379C. Le débat, là, la discussion entre les interlocuteurs du dialogue de la République, le débat porte sur la narration des récits, les récits de la tradition, et c'est par ce terme narration de récit que je traduis le terme qui est employé par Platon ici dans ce contexte, qui est celui de mutologei, donc raconter des récits, et la valeur de vérité ou la valeur fictive ici de ces récits n'est absolument pas en cause. On va voir ce qu'il en est tout ailleurs, mais ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui apparaissent ou ceux qui sont donnés par Platon comme les grands narrateurs de récits héroïques, sont Homère, mais non pas seulement Homère, mais aussi Hésiode, qui raconte des mutoi, mais qui raconte des mutoi qui peuvent être mensongers, nous dit Platon, et qui peuvent être mensongers pour les hommes, et qui sont mensongers, qui peuvent être mensongers, non pas du point de vue de la vérité historique, mais selon le critère, vous le rappelez sans doute, selon le critère de leur valeur morale. Donc c'est bien finalement la valeur de vérité de ces mutoi qui est en question ici, mais il s'agit d'une vérité, et d'une vérité qui est d'ordre éthique. Or, contrairement aux protagonistes du dialogue, qui se disent simplement habitants de la cité, oikistai poleos, habitants de la cité, Homère, Hésiode et leurs collègues sont donnés comme des poietai, c'est-à-dire des gens qui façonne, des gens qui fabriquent, et l'un des interlocuteurs ajoute que il appartient non pas aux poètes, mais il appartient précisément aux résidents de la cité de déterminer ce que je traduirais par modèle. La traduction littérale, le terme en grec, c'est tupoi. Tupoi, la traduction littérale, ce serait en fait les empreintes. Les empreintes, les modèles, donc, dans lesquels, ou les empreintes selon lesquelles, les poètes peuvent se livrer à cette activité, à cette pratique de la narration, et de la narration de mutos. C'est de nouveau, de mutoi au pluriel, c'est de nouveau le terme mutologein qui est employé ici. Et vous savez que parmi les récits qu'il faut au contraire éviter, les récits qu'il faut bannir de la cité idéale, il y a ceux qui mettent en scène les querelles, les rivalités entre les dieux, les conflits avec leurs proches, les combats des géants, enfin, tous ces récits qui mettent aussi en scène des êtres plus ou moins monstrueux. On parle d'air enchaîné par son fils, Phaistos précipité par son père dans un précipice, etc. Etc. Mais quand on s'interroge sur les tupoi, sur ces modèles à choisir et qui agiront comme modèles à travers la narration, pour nous mythologique, à travers la narration héroïque, cette mythologie devient, dans les termes même de Socrate, théologia. Théologia, pour ça évidemment que je me suis concentré sur ce passage là. Et à travers cette mythologie, donc à travers cette théologia, cette manière donc de dire les dieux, en quelque sorte, les modèles, les tupoi, prennent une forme poétique. C'est le deuxième point, évidemment, qui m'intéresse. Et là, Platon cite les poèmes épiques, les poèmes qu'on appelle, nous, les poèmes lyriques, mais enfin, ce sont les poèmes méliques, parmi lesquels toute une série de formes cultuelles comme le péon, le dithyrambe, etc., etc. Et puis, la tragédie, et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je prendrai l'exemple d'une tragédie. C'est dire, donc, que la théologia, c'est-à-dire, donc, cet ensemble de discours sur les dieux, peut-être plutôt de discours qui mettent en scène des entités divines, renvoie non seulement à ce que nous identifions nous-mêmes comme des mythes, mais aussi à des pratiques, et à des pratiques rituelles, sinon à des pratiques cultuelles. En effet, les différentes formes de la poésie mélique, qui est citée par Platon, correspondent volontiers à des formes rituelles. J'ai mentionné tout à l'heure le péon, mais on pourrait ajouter l'hyménée, le chant de mariage, et surtout différentes formes d'hymnes, notamment l'hymne de culte. Et finalement, il en va de même aussi de la tragédie, et ceci dans la mesure où la tragédie classique, la tragédie attique, est intégrée à un moussikos agone, c'est-à-dire donc à un concours musical, et un concours musical qui s'inscrit dans le culte, à l'occasion des grandes Dionysies, dans le culte rendu à Athènes à Dionysos Eleutéreus. Dionysos Eleutéreus qui n'a d'ailleurs pas l'apanage de ces offrandes musicales que représentent les tragédies dans d'autres cités. Il s'agit d'autres dieux, mais ça c'est un autre problème. Et en pensant aux récitations homériques, on oublie souvent de mentionner que les récitations homériques étaient introduites par des hymnes. Par des hymnes, on a une série qui s'appelle les hymnes homériques qui consacrait la narration épique, qui consacrait la narration héroïque à une divinité dans le contexte d'un culte, dans le contexte d'une séquence rituelle, et des hymnes homériques qui se présentent en fait comme des offrandes et des offrandes musicales. Donc là aussi, même la récitation homérique nous renvoie finalement à la pratique rituelle. Et puis, le temps avance, j'aurais voulu encore faire un passage par Hérodote. Hérodote, c'est dans le livre 2, où il nous raconte la manière dont les Grecs ont repris aux Égyptiens ce qu'il appelle les noms des dieux. Il s'agit d'ailleurs plutôt de l'identité même des dieux. Et ici, dans une seconde phase, interviennent aussi Homère et Hésiode. Et Homère et Hésiode qui sont attachés non pas à une théologia, on ne trouve pas le terme employé chez Hérodote, mais à une théogonia. Théogonia comme récit et récit généalogique concernant la mise en place, évidemment, du panthéon des dieux olympiens. Quoi qu'il en soit, là aussi, dans cette réflexion d'Hérodote sur l'institution du régime polythéiste grec, une fois encore, ce sont les poètes et les formes poétiques qui jouent un rôle essentiel, ne serait-ce que pour dénommer et par ce biais-là identifier dans leurs fonctions, dans leurs qualités, etc., les dieux qui forment le panthéon de chaque cité. D'ailleurs, il y a un panthéon panhellénique, mais du point de vue cultuel, le panthéon varie dans sa configuration, dans sa constellation de divinités et de figures héroïques d'une cité à l'autre, mais ça c'est un autre problème. Bon, ça c'est pour ce premier emploi de théologia chez Platon. Quant à théologos, sa première occurrence pour nous correspond à un passage du deuxième livre de la métaphysique, d'Aristote. Donc de Platon, nous passons à Aristote. La référence exacte, c'est 1000 A, référence à la notation de Becker, de l'édition du 19e siècle, de 18e, non, 19e, je crois, de Becker, 1000 A 9. De toute façon, dans le deuxième livre. Et là, la question qui est posée par Aristote, c'est de savoir si les principes, c'est-à-dire donc les archaïs, les principes des êtres corruptibles et les principes des êtres incorruptibles sont différents et pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Et de citer des gens qu'il appelle des théologoi qui distinguent d'une part les immortels qui se nourrissent de nectar et d'ambroisie, et puis par ailleurs les mortels, c'est-à-dire nous, dit Aristote, qui emploie la forme pronominale hémeis. Mais Aristote considère cette question contradictoire de l'alimentation d'êtres immortels, ou de la nécessité pour des êtres immortels de s'alimenter, dans le cas particulier de nectar et d'ambroisie, comme ce que je traduirais par une sophistication et une sophistication mythique, ta mythikos sophizomena. Et là, on commence à entrevoir un emploi de mythe et de mythique un peu dans le sens encyclopédique que ce terme a désormais pour nous. Et il lui préfère ce qui est dit par la démonstration, dit apodeixeros, legomena, etc., etc. On peut voir ici éventuellement une première esquisse d'une opposition entre mutos et logos. Enfin, c'est pas ce qui est ici en cause ou au centre du débat. Ce qui m'intéressait, c'était de remarquer que Aristote désigne du terme de théologoi au pluriel des poètes et des poètes parmi lesquels figure Hésiode. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin, puisque dans un autre passage, et c'est un passage également de la métaphysique, mais non plus le livre 2, mais le livre 11, la référence exacte, c'est 1071 B27, la question philosophique posée porte sur la cause motrice en acte, energeia ti aition. Et la question donc que se pose Aristote, c'est de savoir comment de la puissance dont dispose chaque être, on passe à l'acte. Et il ajoute, il nous dit, les théologiens. Alors, il emploie de nouveau ce terme de théologoi, raison évidemment pour laquelle je me concentre j'ai choisi ce passage, ce deuxième passage. Les théologoi, nous dit-il, résolvent le problème en faisant descendre toute chose de nuit. Alors que les physiciens, les physicoi, pensent qu'à l'origine, toute chose, crémata, qu'à l'origine, toute chose était tout simplement ensemble, homo, ensemble. Et là, une fois encore, à propos de, des théologiens, donc il cite les théologiens comme ça, de manière anonyme, mais la descendance, l'allusion à la descendance de nuit fait naturellement une fois de plus penser à Hésiode, puisque Hésiode, vous le rappelez peut-être, met en scène cette descendance de nuit au début même de la théogonie. Ce sont les vers 116 et suivants. Mais il est tout à fait possible aussi que dans cette question de la descendance divine, des premiers êtres divins à partir de Nux, l'allusion soit aussi, ou la référence implicite soit aussi à la cosmothéogonie orphique, qui donne aussi une fonction primordiale à cette figure de nuit. Et puis pour les physicoi, l'allusion probable, il n'y a pas de nom qui est cité ici, c'est une allusion à, une référence plutôt, à Anaxagore. Donc ici, le terme de théologoi, dans ces deux passages, désigne de nouveau des poètes, et des poètes compositeurs de théogonie et de théogonie en diction épique. Et le premier passage que j'ai cité, tiré du livre 2, il est d'autant plus intéressant que la critique que développe Aristote à propos des théologoi s'appuie sur un long développement autour d'Empédocle, autour d'Empédocle, autour de ces deux forces qui animeraient l'univers selon Empédocle, c'est-à-dire philotès, enfin, c'est-à-dire donc l'amour d'un côté et puis la haine de l'autre qui entraîne un processus physique de corruption. Et dans ce passage, Empédocle est en fait implicitement inclus dans les théologoi, et il n'y a aucune surprise à cela dans la mesure où Empédocle est un poète. Empédocle écrit, rédige en diction épique, en diction dans la même diction que celle que l'on trouve dans les récits, même rythme métrique d'ailleurs aussi, la diction qui est utilisée dans les récits homériques. Quant à théologia, on le trouve aussi utilisé chez Aristote dans les météorologiques. Dans les météorologiques, c'est au début du livre 2, là je vous donne aussi le passage exact, si jamais, c'est 353 à 35. Ce début du livre 2 est donc consacré à la nature, et plus particulièrement ici à la physis, donc à la nature de la mer, à l'origine aussi de la mer. Et d'emblée, à ce propos, Aristote cite les théories des anciens, des archaioi, qu'il dénomme des poètes, en nous disant que ces poietai, ces poètes, imaginent des sources ou imaginent à l'origine de l'élément aquatique des sources qui seraient données justement comme les archaïs, comme les principes, et comme les principes finalement et de la terre et de la mer, ou devrais-je dire plutôt et de la mer et de la Il s'agit là, dans ces conceptions attribuées à ces anciens poètes, d'une théologia, selon Aristote, une théologia, Et cette théologia, elle est opposée à la sophia, donc à la sagesse, il précise même à la sagesse humaine, à la sagesse, enfin, une sophia anthropinée, et à une sagesse humaine qu'il attribue à des gens qui sont plus sages eux-mêmes, il emploie exactement le même terme, et ce sont ceux qui proposent, à la place des explications données par les poètes, ceux qui proposent des explications physiques. Des explications physiques, et pour ces explications physiques, Aristote, de manière d'ailleurs un petit peu contradictoire avec ce qu'il a indiqué dans le passage que j'ai cité précédemment de la métaphysique, mentionne Empédocle. Il est probable qu'il y ait là aussi référence d'ailleurs à Xénophane, peut-être aussi à Anaxagore. Quoi qu'il en soit, dans ce passage où la théologia est associée aux anciens poètes, vous voyez que Empédocle passe au contraire du côté des sophoi, mais pas encore des philosophes, dans la mesure où un Pindare lui-même se donne comme un sophos. Passage essentiel dans la métaphysique même, puisque l'interrogation porte sur l'essence, n'est-ce pas, sur l'être, sur to-on, l'être, et l'être en soi, to-on kat auto. Et Aristote, en ce début du quatrième livre, nous montre que cette interrogation sur ce que nous appellerions nous-mêmes l'essence exige un retour sur la question générale, qui était la question d'origine, on l'a vu dans le premier passage, des principes archaï, et puis des causes, les aïtia ou les aïtiaï. Et à ce propos, c'est en 1026 à 18, il distingue trois savoirs théorétiques. Théoretikai epistemai. Le terme employé ici, on retrouvait déjà chez Platon, c'est episteme. C'est-à-dire la science mathématique, la science physique et la episteme théologique. Episteme théologique. La science donc théologique. Et il nous dit que, contrairement à la physique et à la mathématique, l'objet de ce que j'appellerais la théologique, ce sont les êtres séparés et les êtres immobiles. Les êtres à la fois séparés et immobiles, autonomes et immobiles. Car, ajoute-t-il, le divin ou neutre, to theion, le principe divin, le divin, est présent dans une telle, il appelle ça la nature, dans cette nature d'être donc séparé et immobile. C'est dire donc que ici, en quelque sorte, Aristote nous donne une définition, et une définition métaphysique de la théologie, théologique episteme, hein, de la théologie, et ceci par référence au caractère divin, à ce caractère divin qu'il attribue à l'être. Ici, on se rapproche naturellement avec l'acception moderne, courante, de la théologie. Et pour terminer sur ces quelques éléments de sémantique à propos de théologos, des emplois théologos et de théologia, cette acception philosophique de la théologique épistémée chez Aristote me conduit par évidemment un grand saut à la fois d'ordre temporel et d'ordre culturel, mais à un passage très connu de Varron. Donc dans ses Antiquitates Rerum Humanarum et Divinarum, En fait, nous n'avons pas ce traité des antiquités, des choses humaines et divines de Varron, mais il est largement utilisé et cité par saint Augustin. Donc, ce que je vous dis ici de Varron est naturellement utilisé et vu dans le filtre qui est celui de, enfin, disons avec les lunettes qui sont celles de saint Augustin. Selon saint Augustin, donc, ça c'est dans la Cité de Dieu 6.4, saint Augustin mentionnait, saint Augustin plutôt mentionne que Varron désignait, ou plutôt, non, distinguait trois genres de théologie. Genera theologiae, dit saint Augustin. Et trois genres de théologie comme science consacrée aux dieux, ou comme science sur les dieux, de diis explicatum. Alors, il y a un genus muticon, c'est-à-dire la théologie dont usent les poètes. On revient ici probablement à travers évidemment un nombre impressionnant d'intermédiaires à l'idée de Platon, un genus physicon, donc un genus musicon, théologie dont usent les poètes, un genus physicon qui est la théologie des philosophes, et puis un genus civile, un genre civil de théologie qui est la théologie du peuple, on prend le terme de populus. Et il ajoute que la théologie des poètes contient beaucoup de ficta, c'est-à-dire donc de fables, de fictions, nous dit probablement Varron, et en tout cas saint Augustin par l'intermédiaire de Varron, qui sont contraires à la dignité et à la nature des immortels. Ça, c'est aussi un petit peu l'idée de Platon dans la République. Il y a toute une série dans les mythes d'actes, on prête dans les mythes prêtent aux immortels, aux dieux et aux déesses, toute une série d'actions répréhensibles, et donc qui seraient contraires autant à leur dignité qu'à leur nature. Et puis cette théologie des philosophes qui interroge l'origine et la nature, mais l'origine et la nature des dieux. On prend pour exemple Héraclite qui s'interroge sur l'origine du feu, Pythagore interroge sur l'origine des nombres, Épicure qui s'interroge sur l'origine des atomes, et malheureusement pas de d'auteurs qui s'interrogeraient, enfin d'auteurs cités quant à l'interrogation sur l'origine et la nature des dieux. Et puis, la théologie civile, et là on approche le propos de la seconde partie, le second développement de mon exposé, la théologie civile qui porte sur le culte. La théologie civile qui indiquerait quel dieu honorer publiquement et quel rite et sacrifice accomplir. Les termes latins employés pour rite, c'est sacra, et puis pour sacrifice, c'est tout simplement sacrificia. C'est donc dire que, et pour conclure sur ce point, en contraste d'ailleurs avec la théologie chrétienne, la théologie en régime polythéiste gréco-romain inclut les fables, les ficta, c'est-à-dire donc les mythes, elle inclut les pratiques rituelles, notamment sacrificielles, mais aussi, en tout cas dans la définition que semble donner Varron, les réflexions sur la fusis, ces réflexions des premiers philosophes. J'hésite à propos de Sophoï, de sages comme Héraclite, ou j'ai, qu'est-ce que, j'ai, j'ai cité Anaxagore ou Empédocle, d'autant plus Empédocle a employé et la dénomination de philosophe et la dénomination de présocratique, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc je dirais qu'en rapport avec l'identification grecque des théologoi en tant que poètes, interroger les relations pratiques, j'aimerais maintenant interroger les relations pratiques que les poètes grecs, et que les poètes grecs, par le biais même de la forme poétique, ont établi entre ce que nous identifions comme mythe d'un côté et ce que nous identifions comme rite de l'autre, mythe et rite appartenant à la théologie telle que semble l'avoir définie Varron dans ses antiquités. En effet, en Grèce classique, ce sont précisément donc les formes poétiques qui, non contentes de réaliser, non contentes de dramatiser ces récits qui pour nous sont non, qui pour nous sont, représentent des mythes, ce sont donc ces formes poétiques qui établissent la relation entre le récit ou le mythe et puis la pratique rituelle, en tenant compte que la performance musicale de ces formes poétiques elles-mêmes s'inscrit en général dans un rituel, est elle-même en quelque sorte un rituel. Nombreux sont ces poèmes qui sont explicitement offerts comme une espèce d'offrande, de sacrifice musical, enfin, d'offrande musicale à la divinité qu'on est en train de donner, d'honorer, qu'on est en train célébrer. Et c'est en particulier, comme je l'ai déjà indiqué, le cas de la tragédie et de la tragédie attique. Et dans les tragédies qui nous sont parvenues, là aussi le corpus est extrêmement restreint, même si on ne prend en compte qu'Euripide, Sophocle et Eschyle, comme je l'ai indiqué tout au début de mon exposé, certaines tragédies, ou l'action dramatique d'un certain nombre de tragédies, débouche sur l'institution d'un culte. C'est en particulier le cas, de manière d'ailleurs assez surprenante, des tragédies d'Euripide. L'un des cas les mieux connus est celui qui est offert par l'Hippolyte d'Euripide dans le... Donc vous vous rappelez, faut que je, peut-être, oui, je suis quand même contraint là de vous rappeler rapidement le déroulement de l'intrigue. Donc il s'agit d'Aphrodite essentiellement, Aphrodite qui intervient dans le prologue et qui veut se venger et se venger d'Hippolyte. Et pourquoi elle veut se venger d'Hippolyte? Dans la mesure où le jeune héros, ce fils de Thésée, beau-fils de Phèdre, ce fils de Thésée porte un amour exclusif à la déesse Artémis. Et dans cette mesure, comme une jeune fille, refuse le mariage et se comporte comme quelqu'un qui ne veut pas accomplir le passage vers l'âge adulte. Et vous savez qu'en régime polythéiste, on doit rendre hommage à l'ensemble des dieux de la constellation, du panthéon en question. Et c'est pour se venger donc qu'Aphrodite suscite auprès de Phèdre l'amour que vous savez pour son beau-fils. Et alors, à l'issue de son suicide, Phèdre va dénoncer Hippolyte, par une tablette d'ailleurs qui est attachée à son poignet. Thésée maudit son fils, avec l'aide de son propre père divin Poséidon, et son fils est finalement entraîné d'abord à l'exil et ensuite à la mort, d'ailleurs par son propre attelage. Et c'est alors que intervient Artémis, et Artémis qui, ex machina, déclare que désormais le héros sera l'objet d'une célébration cultuelle, et d'une célébration cultuelle marquée par une série d'actes rituels et d'actes rituels qui sont institués par Artémis elle-même. Des actes rituels, et c'est tout à fait caractéristique de la figure d'Hippolyte telle qu'elle est conçue et telle qu'elle est mise en scène par Euripide, des actes rituels qui seront exécutés par des jeunes filles, notamment un rite prématrimonial, auprès de son tombeau et auprès de son tombeau à Trézène. En effet, à la veille de leur mariage, les jeunes filles de la cité offriront leur chevelure au jeune héros, le héros qui a justement nié ou dénié toute puissance à Aphrodite et qui a précisément refusé le passage à l'âge adulte. Et cette dédicace est évidemment accompagnée de chants coraux. Donc, à l'occasion de ce rituel prématrimonial, qui est d'ailleurs attesté dans d'autres cités grecques, la mémoire héroïque du jeune homme mort, de manière tragique, est réanimée dans des performances, et là aussi dans des performances rituelles, notamment en tant qu'offrande musicale, et dans un culte, et dans un culte d'ailleurs où le héros est associé à la déesse, à la déesse même qui a consommé sa perte, c'est-à-dire donc à Aphrodite. Donc, dans une telle logique, non seulement l'institution du rituel apparaît en quelque sorte comme la sanction narrative de l'action qui a été représentée, l'action qui a été dramatisée sur la scène, non seulement l'action héroïque semble à la fois expliquer et légitimer la performance des gestes rituels et cultuels, mais cette étiologie héroïque qui est dramatisée, qui est représentée, confère au culte divin, sans doute, par l'association du héros, Aphrodite, mais aussi Hippolyte, une nouvelle forme et une fonction, sans doute une fonction, et une fonction renouvelée. Et puis, on pourrait faire la même démonstration avec une tragédie, parce qu'elle est fragmentaire, moins connue, mais très parlante de ce point de vue-là, qui est l'Érechthée d'Euripide, et puis aussi l'Iphigénie Autoride, mais il faut que j'arrive à ma troisième et ultime partie. Donc, simplement pour terminer sur ce point, je dirais que si du point de vue dramatique, cette relation étiologique relève du fictionnel, relève du mythe, elle ne fait pas moins référence à une réalité cultuelle qui, à l'évidence, est elle-même de l'ordre du rituel. Et Euripide, j'espère l'avoir en tout cas indiqué, réactive cette relation entre le mythe et le rituel par l'intermédiaire de la forme poétique. Et là, on en revient évidemment à ce que nous disait Platon sur le rôle des poètes. Et c'est cette forme poétique qui nous renvoie au grand de Dionysie et au culte rendu à l'occasion des représentations et de comédies et de tragédies, chant du dithyrambe aussi à Dionysos Eleutéreus, à ce Dionysos libérateur au centre même de la cité dans l'Athènes du 5e siècle, avec un culte qui a non seulement une fonction religieuse, mais naturellement une fonction politique absolument centrale. Bien. Alors, je passe maintenant, à partir de ces réflexions sur un cas concret, à quelques réflexions plus générales sur les rituels en relation avec le mythe, et ceci justement pour engager la discussion avec Camita. J'aimerais donc entendre ici le rituel. Et j'aimerais l'entendre, je précise bien, de manière purement opératoire. Je me méfie en anthropologie en particulier, de tous les processus d'essentialisation, de naturalisation de concepts et de concepts qui sont en fait des concepts opératoires, purement opératoires. Donc le rituel, j'aimerais peut-être l'entendre comme une action qui peut être une action singulière, mais plus souvent collective, qui est culturellement, je dis bien culturellement, organisée par des règles, qui sont souvent des règles implicites, mais qui sont des règles, évidemment, que l'on actualise, enfin qui sont régulièrement réitérées. Et selon ces règles, en général non écrites, mais qui sont des règles normatives, qui engage le corps par une gestualité, qui engage aussi la voix, et qui engage la voix non seulement par ce qui est dit, mais qui engage la voix aussi sur le plan esthétique et sur le plan affectif. Règles qui engagent une gestualité, une vocalité qui sont douées d'une temporalité, qui sont douées d'une spatialité, mais qui sont douées aussi d'une logique, et d'une logique qui est évidemment une logique spécifique. Et cet ensemble de règles signifie que le rite se déroule donc dans un espace dédié, avec une signification qui est évidemment une signification d'ordre symbolique, mais non seulement une signification, mais aussi une pragmatique, et une pragmatique à portée à la fois, évidemment, sociale, à portée politique, au sens grec large du terme, portée politique, sociale, on pourrait dire naturellement aussi religieuse et culturelle. Donc je dirais le rite comme pratique réglée, comme pratique récurrente, comme pratique symbolique aussi, symbolique et sociale, à la fois du corps et de la voix. Je l'ai dit, donc une tentative de définition ici, naturellement uniquement à titre opération. Opératoire, renvoyant donc à un instrument qui doit être un instrument conceptuel avec une fonction de classification d'un côté, très important dans le domaine de l'anthropologie, pour une approche anthropologique, mais ce qui est tout aussi important pour une approche anthropologique, c'est un instrument aussi de comparaison. Et très important pour l'anthropologie historique du monde antique ou de l'antiquité gréco-romaine, ou en ce qui concerne les manifestations qui nous apparaissent comme des manifestations culturelles de l'antiquité, ce qu'on appelle le contexte ethnographique nous manque. Et c'est en général par comparaison qu'on arrive à restituer certains de ces éléments. Je dirais donc que le rituel peut être envisagé moins comme un acte de communication que comme la réalisation pratique, la réalisation souvent périodique de ce que j'appellerais une poétique réglée à la fois du corps mais naturellement aussi une poétique de la parole, une poétique qui dramatise par métaphore, par métonymie interposée des valeurs et des valeurs d'ordre, disons, oui, des valeurs d'ordre symbolique. Et ces énoncés rituels, ces énoncés qui sont à la fois des énoncés physiques, mais naturellement aussi des énoncés vocaux, font l'objet de croyances qui sont évidemment des croyances partagées, des croyances communautaires, dans un régime de vérité, culturelle donnée. Et je dirais ici, et je pense, à l'écart de tout scénario, qui serait inscrit soit dans l'histoire éthologique de l'être humain, en ce qui concerne le domaine de l'Antiquité, c'est en particulier Burckhardt qui, pour donner une interprétation du sacrifice ou des origines du sacrifice, est allé les chercher dans ce que nous dit l'éthologie du comportement animal et du comportement humain premier. Mais en ce qui concerne les sciences cognitives, j'hésite à inscrire les scénarios qui président au rituel, soit dans le patrimoine génétique de l'homme ou éventuellement dans son patrimoine neuronal. Enfin, ça pourrait être l'objet d'une discussion. Ce que je dirais de manière plus générale ici, c'est que fondée sur une anthropologie, mais j'entends ici anthropologie comme conception et comme conception symbolique de l'homme, une anthropologie aussi comme conception de l'agir humain propre à une communauté de croyances, une communauté de croyances particulière, le rituel est une pratique que j'appellerais une pratique anthropopoétique. Je reprends cette idée de la poétique, et ici, avec un jeu étymologisant sur le poiein grec, anthropopoétique, donc, c'est-à-dire de construction collective, de construction culturelle de l'humain, de construction collective et culturelle à la fois, et de l'homme et de la femme. Quel rapport alors, et pour m'acheminer vers une conclusion, avec une religion et sinon avec une théologie? Dans le cas particulier des cultures polythéistes des cités grecques classiques, que je mets intentionnellement ici au pluriel, l'action rituelle assume souvent une dimension cultuelle et par ce biais, une fonction symbolique, évidemment, mais aussi une fonction pragmatique directe. Par l'offrande ritualisée, par l'offrande sacrificielle, par l'offrande verbale, sinon musicale également, on cherche à obtenir d'une divinité, on cherche aussi à obtenir d'une figure héroïque, Héraclès par exemple, Thésée à Athènes, une intervention hic et nunc, et une intervention selon les exigences et les exigences propres à la société, à la culture civique concernée. Et j'ajoute ceci toujours dans une conjoncture culturelle, non, je devrais dire plutôt dans une conjoncture historique qui, naturellement, dans l'espace, dans le temps, peut varier, même si le rituel se répète ou est marqué par la réitération et, en fait, constamment une adaptation à la conjoncture générale, à la conjoncture à la fois politique, historique et culturelle, religieuse, naturellement aussi, de la communauté concernée. Dans une séquence, pardon, qui qui enchaîne volontiers les formes de la procession, de l'offrande sacrificielle, du concours athlétique, la parole poétique, en ce qui concerne la Grèce, en particulier la Grèce ancienne, la parole poétique tient une place, et une place, mais aussi une fonction pragmatique, forte, tout à fait particulière, tout à fait centrale. Et c'est en particulier dans la performance chorale, et vous savez que la tragédie est ponctuée par des chants choraux, que s'opère l'articulation entre le mythe comme récit héroïque, souvent fondateur, et puis le rite dans sa gestualité et dans sa gestualité musicale. Je dirais donc que... Ah oui, non, ce que je voulais peut-être ajouter... Alors, à partir de ma tentative de définition du rituel, je pourrais essayer d'esquisser une définition, là aussi purement opératoire, du mythe, peut-être dans les termes suivants, mais c'est une simple proposition, d'un récit, le mythe donc comme récit, un récit qui met en scène dans un temps différent, dans un temps passé, en général n'est pas inscrit dans une chronologie, les actions d'êtres anthropomorphes, certes, mais d'êtres anthropomorphes qui sont doués, je dirais, simplement de pouvoirs suprahumains, pour ne pas dire de pouvoirs surnaturels, de pouvoirs suprahumains, éventuellement divins, et qui évoluent, et ça c'est un point sur lequel j'aime insister, qui évoluent dans un monde fictionnel, un monde avec sa temporalité et avec son espace propre, ce qu'on appelle désormais le monde du texte, un monde qui est lui-même constitué de valeurs et de représentations, pour reprendre simplement ce que Durkheim disait de la religion, mais un monde de fiction, un monde de fiction dont les acteurs et les valeurs sont en relation forte et sont en relation forte avec les valeurs, avec les représentations, avec les institutions aussi qui fondent la société, la culture, où ces récits, en ce qui concerne la Grèce en particulier par leur forme poétique, trouvent leurs pragmatiques, leurs effets, et une pragmatique qui n'est pas uniquement une pragmatique d'ordre, comment dire, d'une efficacité d'ordre social ou politique, mais qui a aussi un fondement esthétique et un fondement émotionnel. C'est dans ce cadre que j'envisagerais cette poétique des mythes grecs, mais ceci dit naturellement à l'écart de toute essentialisation du mythe comme catégorie universelle, mais à l'écart aussi de toute pensée mythique ou existence ou pensée mythique réduite à une essence. Donc pour conclure, et pour conclure sous forme de questions, je dirais que élaborer donc dans une perspective anthropologique qui a été essentiellement alimentée par mon contact, ma manière d'approcher la culture grecque antique, ces définitions du rite d'un côté et du mythe de l'autre, je me demande si elles sont acceptables pour des praticiens et les praticiens d'une théologie qui est fondée sur l'interprétation d'un corpus, et d'un corpus de textes canoniques d'un côté, mais aussi de textes révélés. C'est-à-dire que la question est peut-être moins de savoir si elles sont acceptables, mais si elles sont opératoires dans l'exercice des différentes disciplines de la théologie. Il s'agit naturellement ici de la théologie chrétienne. C'est-à-dire, peut-on parler de théologie pour les mythes et peut-on parler de rithologie pour les rituels avec les définitions, encore une fois, instrumentales que j'ai esquissées. Et c'est le problème que j'aimerais discuter maintenant. Et pour introduire la discussion, j'aimerais rappeler ici un constat essentiel auquel vous procédez dans le texte que vous auriez dû présenter, à Toulouse, là, dans la journée, c'était le 24 janvier, hein, sauf erreur. Vous dites donc, j'espère ne pas trahir votre pensée, que les rites semblent investir et structurer trois domaines. Le domaine mythico-théologique, qui renvoie, dites-vous, aux récits et aux expériences concernant des invisibles. Je vous cite, « C'est à partir de ce domaine qu'on a défini la religion comme relation au Dieu et qu'on privilégie les discours sur les divinités. » Mythe, hein, correspond plus ou moins à ma définition du mythe. Mais un deuxième domaine encore, un espace-temps, dites-vous, qui est propre aux rites, différent de l'espace-temps des mythes, correspond à un ordre global du monde. Et puis, vous ajoutez aussi ce que vous appelez le champ anthropo-sociologique, où sont institués et socialisés les individus. Et je me demandais si, à partir de ces constats, on pouvait éventuellement déboucher sur une espèce de théologie générale. Mais bon, c'est la question que je soumets aussi. Enfin, les questions, disons, que je soumets à la discussion. Merci. Oui, mais écoutez, les questions sont posées. Comme elles ont été directement posées à Camille, peut-être que le plus simple, c'est que vous commenciez par y répondre, ce qui ne vous interdit pas, d'ailleurs, de rentrer dans cette... foisonnant ensemble de propositions de travail, à commencer par cette archéologie de théologia. Oui, il y aurait énormément de choses à dire. Il faudrait reprendre tout ça très, très calmement. J'ai lu, je crois aussi attentivement que j'ai pu, votre article pour une anthropologie historique des récits héroïques grecs, analyse structurale et pragmatique des mythes à propos de Lévi-Strauss. Je vais quand même repartir de cet article, puisque vous concluiez sur ce que je... Et puis je vais rebondir sur certains points de ça. Vous plaidez dans cet article, et je pense que vous avez raison, pour une analyse pragmatique des mythes. C'est-à-dire que les mythes ne sont pas seulement des récits, il faut les comprendre dans ce qu'on en faisait. Ils étaient dits, chantés, insérés dans des cérémonies, par conséquent, ils étaient de l'ordre de l'action et ils rentraient dans des actions publiques, collectives, qui engageaient des individus, voire des cités. Et donc, c'était pas seulement des légoménas, c'est des dromélas. Et donc, il faut une pragmatique. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même si on ne peut pas s'enfermer dans des idées trop étroites a priori, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des mythes qui n'aient jamais eu de rituel. Il est possible qu'il y ait des rituels qui aient perdu leur mythe, ou qui n'en aient plus eu, ou qu'on n'ait plus connu. On en connaît des exemples, on peut en citer des exemples. Mais le mythe est vivant lorsqu'il est lié à une pragmatique rituelle. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. En revanche, je suis beaucoup moins d'accord quand vous semblez attribuer à Lévi-Strauss l'idée que c'est comme ça qu'il aurait abordé la mythologie. Je ne pense pas que chez lui, l'analyse structurale débouche sur une pragmatique des mythes. Pas du tout. Hein ? Dans l'article, vous démontrez l'apport, je crois, tout à fait fondamental du structuralisme. Ce double apport, d'une part, par l'analyse narratologique, Et vous prenez l'exemple de Burckhardt quand il analyse des récits de héros fondateurs, la naissance de héros fondateurs. Vous laissez d'ailleurs ici, on est ici, vous ne citez que des récits. Il n'est pas question de rituel. Hein. Ensuite, vous donnez les exemples de l'analyse structurale quand elle recherche les oppositions fondatrices. Vous donnez l'exemple de Détienne opposant donc Aphrodite et Déméter à propos des jardins d'Adonis. Bon, là-dessus, vous montrez très bien comment ça marche, quel est l'apport de cette démarche, mais en même temps, vous voyez bien que ça ne suffit pas pour expliquer, les mythes. Donc, dans une deuxième partie, vous introduisez des éléments qui nous amènent vers une pragmatique. Par exemple, quand vous prenez l'exemple de Sappho, composant des hymnes qui vont être chantés dans le temple, vraisemblablement par une chorale, et que ces hymnes évoquent dans le temple de Lesbos un épisode du retour de la guerre de Troie où les Atrides seraient passés dans cet endroit. Donc là, on voit bien que pour comprendre le mythe, et d'ailleurs quand même écrit par un poète ou réécrit par une poétesse, hein, il faut faire intervenir le rituel. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que Lévi-Strauss nous achemineraient vers une pragmatique. Ni Saussure ne nous a donné les moyens d'une analyse pragmatique, ni Lévi-Strauss. Vous commencez l'article en citant Saussure, une science sociale, d'une science des signes remis dans la vie sociale, c'est un projet de science qui n'a jamais accompli. Bon, c'est purement programmatique. Oui, oui. Hein. Et sa linguistique est d'une linguistique interne, hein, et non pas du tout une linguistique externe. On prend la langue comme un donné et on s'enferme dans la langue, et donc et il applique constamment le principe de la clôture du texte. Hein. Alors, et Lévi-Strauss de même. Vous citez Lévi-Strauss vous dites, vous faites appel à la geste d'Asdivin. Oui, parce que c'est le texte. C'est le seul. Eh ben, oui, exactement. Alors que dans les mythologies, c'est le seul. Il ne fait plus allusion à ça. Il ne fait appel au rituel que quand il a besoin d'une information culturelle pour éclairer une opposition structurale. Mais jamais, jamais, il analyse la logique des rituels pour eux-mêmes. Il ne se pose pas la question, est-ce que les rituels ont une fonction propre ? Les rituels sont là comme un complément, un bas de page qui vient donner des informations. C'est une source culturelle parmi d'autres, hein, mais ils ne sont pas l'objet de l'analyse. Et il ne se pose pas la question de savoir quel est le rapport des logiques sociales et des logiques rituelles. De sorte qu'il y a une coupure entre culture et société. Le mythe est un objet culturel qui, pour comprendre le mythe, il faudrait avoir toutes les clés de la culture. On va donc y inclure le rituel comme objet culturel. Mais en quoi le rituel est une pratique sociale qui doit être faite pour que la société marche ? Ça, les choses ne rentrent jamais dans cette contingence. Or, elle est fondamentale. Donc, voyez, c'est là que... Donc, votre article m'a convaincu, parce que je suis convaincu avec vous qu'il faut une pragmatique des mythes, mais je trouve que vous êtes gentil avec les bichons. Et que, ou alors vous avez une attitude un peu hamlétienne devant le meurtre du père. Et que j'ai l'impression que vous avez rechargé subrepticement le structuralisme d'une pragmatique dont il n'est pas porteur. Vous lui prêtez une bouée de sauvetage. Alors bon, ça n'était pas mon intention. Mais enfin, pardon. Ce n'était pas mon intention, mais enfin, il y a peut-être la conscience. Alors qui, voilà. Mais vous, je trouve que vous avez été très qui a agi. Vous avez bon, voilà. Alors bon, je vais m'arrêter là pour ce point-là. Mais juste sur ce point, je renchérirai encore en ce qui concerne Lévi-Strauss et sur deux points. Oui. Il y a d'abord ces remarques extrêmement dépréciatives qu'il a à l'égard du rituel. Si je me rappelle bien, c'est dans la conclusion Absolument. Oui, oui. du quatrième volume des mythologiques. Oui, très bien, peut-être. Les écartes, vraiment explicitement, pratique rituelle, mais aussi dans le fait que les mythes qu'il analyse dans les quatre volumes sont réduits en fait à des résumés de mythographie. C'est-à-dire que tout ce qui est de la, comment dire, de la tension de narrative, tout ce qui est relatif à la récitation elle-même échappe totalement par ce biais-là. Alors évidemment, après, ça devient une espèce de logique. Je l'avais écrit de noir sur blanc, mais on est absolument d'accord. Lévi-Strauss s'inscrit dans un processus de grammatisation et d'écriture des rites. C'est un super mythographe. C'est une œuvre magnifique, parce qu'il introduit ces mythologies dans une littérature universelle. Et ça, c'est une œuvre fabuleuse. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus concevoir, les littératures du monde sans les mythologies amérindiennes. Et ça, on le doit à Lévi-Strauss. Mais c'est une œuvre qui met à mort les mythes, parce qu'ils sont sauvés par l'écriture, mais ils sont déplacés de leur contexte et de leur pratique. Ils rentrent dans la littérature. Il a fait pour les mythes indiens, alors en plus avec une plume et puis des qualités d'analyste exceptionnelles, mais c'est tout sauf une mythopoétique, c'est tout sauf une pratique des mythes, c'est tout sauf une pragmatique, c'est une réduction des mythes à une littérature. Il les écrit et il nous dit comment les lire. Et d'ailleurs, vous remarquez très bien comment, quand Lévi-Strauss se pose la question, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit que ça c'est un mythe, il dit ça apparaît à tout lecteur. Or, pour les Grecs, ils n'étaient pas. Vos Grecs chantant les hymnes de Sappho ne sont pas des lecteurs, c'est des croyants, c'est des pratiquants, c'est des adeptes, c'est des adhérents, c'est pas des lecteurs, ils ne sont pas dans la distance de l'écriture. Même s'ils chantent un texte qui a été composé par une poétesse, et qui elle écrit. Mais ils sont dans le faire, ils adhèrent. Donc, là, je crois qu'il y a une distance qui est fondamentale. Alors, je vais reprendre ça comme ça. Je vais remonter depuis le bas de la fin de votre intervention. Je vais essayer de remonter vers le début en faisant quelques remarques. Si vous voulez, je dirais, moi, peut-être ce qui nous sépare, c'est que vous avez, et d'ailleurs, mais vous avez raison, parce que vous abordez le rite d'abord comme une cérémonie. Vous avez raison, pour un tas de raisons qui sont d'ordre historique, qui tiennent aussi peut-être au style des liturgies grecques, et de ces rituels grecs, qui avaient sûrement une esthétique, une qualité, enfin tout un ensemble, etc. Donc il y a une cérémonie. Et on peut aborder les rites par les cérémonies. Mais on voit bien que dans les rites, il y a la cérémonie, puis il y a le noyau quand même. C'est pas la même chose. Et ça, c'est vrai que tous les mêmes rites. De tous les rites. On peut imaginer la procession des Panathénées et on peut en mettre, enfin, et des figurants et des porteurs d'offrandes et tout ça, mais enfin, il y a quand même des moments cruciaux dans un rituel. Un rituel, c'est comme une grand-messe de ce point de vue-là. On peut mettre 50 prêtres, 10 évêques, des orgues, etc. C'est de la cérémonie, très bien, ça fait partie de la culture, c'est tout ça. Mais le nœud sera quand même toujours de savoir est-ce que la consécration est un sacrifice, est-ce qu'il y a une présence réelle, etc. Il y a un nœud dans un rituel. Et il y a une hiérarchie des actions. Et cette hiérarchie des actions est fondamentale. Donc il ne faut pas confondre le rite et la cérémonie. Moi, je crois. Alors ensuite, les deux existent, bien entendu, et on peut. La meilleure façon, c'est de rentrer dans le rite par la cérémonie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout le contexte, c'est qu'on n'a pas toute cette ethnographie, et puis on n'a plus les sensations, on n'a plus les couleurs, les odeurs, les musiques, les bruits, le contact des corps, etc. Cette cérémonie nous manque terriblement, et j'approuve. Comprenez bien que ce n'est pas une critique du travail d'historien qui va essayer de nous faire revivre cette cérémonie et de nous la faire comprendre. Mais je pense qu'on ne peut pas se limiter à la cérémonie. Derrière, il y a quand même d'autres enjeux. Et alors, justement, c'est ce que j'ai essayé de dire. Oui, il y a un récit, ça toujours. Il y a un espace-temps du rite. Donc, quel espace-temps actuel? Il se passe à Athènes aujourd'hui, il se passe à Rome aujourd'hui, il se passe à Paris, il est là, bon, il est dans un espace, ça se passe dans la cathédrale, ça se passe dans le temple d'Artémis, ça se passe, bon, ça se passe sur l'Acropole. Donc il y a un temps, et il y a un espace. Hein, un espace et un temps. C'est telle fête, c'est à tel moment de l'année, c'est pas tel. Et en même temps, moi je crois que ça c'est fondamental dans tout rite, on fait jouer un autre espace-temps qui vient du rite. Donc il y a un phénomène de mémoire. Ça je crois qu'il faut absolument, et c'est là qu'il faut comme se départir de notre culture de lettré, hein, il faut remettre ce qui est le fond du rite, et là toute analyse formelle du rite nous renvoie toujours, toujours, toujours aux conditions de la mémoire. C'est un système pour faire se rencontrer un espace-temps mythique, ancien, attribué aux dieux ou aux ancêtres ou je ne sais pas quoi, avec une actualité. C'est de nous dire qu'il y a une actualité de ce qui n'est plus visible, de ce qui n'est plus présent. Il y a un court-circuit dans le... Et ça, ça me paraît fondamental. Donc c'est pour ça que j'ai cité le récit mythique, l'appel aux invisibles, qui renvoie aux origines, à la fondation, à l'événement fondateur, l'espace-temps propre du rite, et ce qui est, me semble-t-il, l'enjeu du rite, c'est quand même, et c'est là que j'ai dit, c'est sa dimension anthroposociologique, c'est de fixer des distances. Le rituel débouche sur, et c'est pour ça qu'il se passe d'ailleurs selon un ordre, hein, et qu'il est contraignant, il doit être fait avec une précision, un formalisme, etc. Et là, par là, le rituel ressemble au droit, à ce qu'impose le droit. C'est parce qu'il fixe des rapports sociaux. Il fixe des rapports, il explique que si c'est des individus, hein, il explique que vous êtes consacré, que vous êtes un dévot, que vous êtes un adepte, que vous êtes rentré dans le groupe ou dans la secte, ou je ne sais pas quoi. Si c'est une société, il refixe des distances entre, précisément, la société d'aujourd'hui, les ancêtres, le fondateur, etc. Et il fixe les distances entre les hommes. Et c'est là qu'il y a un enjeu. Et un enjeu sociologique. C'est pas seulement un phénomène social, c'est un phénomène d'action. Et par là, il fixe des statuts, il remémore des... Voilà. Alors moi, je crois que ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est là qu'il y a une pragmatique. Autrement dit, le rituel refait vivre une histoire, et là, il y a un phénomène de mémoire, pour fixer des frontières. Et quelquefois, il transgresse. Hein. Dans le rituel, on transgresse les frontières. C'est le moment où on transgresse des frontières pour les refonder. Autrement dit, il accepte un désordre, mais un désordre contrôlé, pour refonder un ordre. Et ça, je crois que c'est les trois niveaux fondamentaux auxquels, me semble-t-il, que je ferai intervenir pour parler du rite. Et alors, à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même rite et rite. Parce que vous êtes parti de la définition de la religion. C'est vrai... Il y a un problème sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais nous, on est habitué à aborder le phénomène religieux du point de vue de l'individu, déjà, dans les cultures occidentales, chrétiennes, etc., modernes. La religion, pour nous, d'abord un phénomène individuel. Ensuite, c'est la relation à une divinité. Et c'est la relation à une divinité parce qu'on croit qu'elle est quand même bonne, bienfaisante, aimable, sympathique, etc. C'est-à-dire, on voit la religion comme une dévotion. Et on voit les actes religieux essentiellement sous la forme du don, c'est-à-dire d'un don de conjonction. Le but de la religion, c'est de s'unir au divin. Alors si on est momentanément, on fait une petite offrande au petit Jésus ou à la statue de la Sainte Vierge, on dépose quelque chose, on dit voilà. Ou bien on lit un texte pieux, on s'imprègne d'une vérité profonde contenue dans un livre sacré, on rend un culte à Dieu, etc. Je crois qu'il faut quand même être très prudent là-dessus et se dire que, justement, là, on est peut-être au cœur de ce qu'est le problème du divin et de la théologie. Parce que je crois que, dans beaucoup de religions, le divin n'est pas un problème simple, parce qu'il est beaucoup plus, précisément parce qu'il est beaucoup plus sacralisé que nous ne vivons peut-être aujourd'hui, et qu'il est pris dans une ambiguïté fondamentale. Et que le divin, c'est ce qui est à la fois attirant et repoussant, fascinant et dangereux. Et que ici, le rituel, c'est ce qui permet de rentrer en contact avec des forces avec lesquelles il est nécessaire d'avoir un contact, mais qui sont des forces dangereuses. Et donc, quand vous dites, par exemple, certaines tragédies grecques se terminent par un récit quasiment étiologique fondateur d'un culte à un héros comme Hippolyte, chez Euripide, je le vois tout à fait. Et je dirais, c'est bon, moi, j'ai pas lu la... Bon, de toute façon, j'ai l'âge, je ne suis pas un helléniste. Mais je veux bien croire qu'il y ait cette fondation d'un culte à un héros. Mais il y a d'autres tragédies grecques où il est bien, où la divinité intervient à la fin de la tragédie. Je pense à l'Orestie, pour dire ce qu'on institue maintenant, c'est un tribunal. Il faut mettre les deux en parallèle. Je l'aurais fait avec l'Iphigénie en Tauride, parce que l'institution de l'aéropage est aussi mentionnée dans l'Iphigénie. Ben oui, parce que ça me paraît fondamental, parce que là on voit comment l'institution judiciaire, cautionnée par le dieu, assume ce qui est une défonction du règne, c'est-à-dire rappeler la vraie distance entre les hommes. Quels sont les rapports et les distances dans les rapports. Et donc là, on touche vraiment, alors là en gros, c'est énorme comme analyse, la puissance précisément du système rituel comme instauratrice, dont l'enjeu est la distance entre les hommes. Et par rapport, en fixant la distance par rapport aux dieux, c'est-à-dire aux esprits, et à leur ambiguïté et à leur force. Donc, voilà. Troisième remarque, alors parce que le temps passe et je ne voudrais pas vous... Je vais le dire brutalement, et trop brutalement, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis d'accord avec votre analyse philologique, présentation de l'histoire des mots, théologia, etc. Mais je pense que vous avez peut-être... mais vous avez raison, parce que vous êtes en réaction contre toute essentialisation du discours et des concepts mitrites, etc. On voit bien que chez vous, il y a une méfiance, c'est-à-dire congénitale pour l'idéalisme allemand qui a substantifié le tragique, le mythique vous en parlez, enfin, dans votre article, de Cassirer, etc. Mais entre tout en philosophie et pas de philosophie, faut peut-être trouver un juste milieu. Hein. Et le juste milieu, c'est que, me semble-t-il, vous avez quand même réussi à nous expliquer ce problème du sens du mot théologia chez Platon, sans quand même, à mon avis, nous dire qu'il y a une révolution dans la conception du divin chez Platon, et que Platon est un révolutionnaire dans la religion grecque. Et que ce qu'il met sous le mot de théologie, c'est une nouvelle conception du divin, qui s'oppose au mythologène des poètes. Vous faites l'impasse sur ce qui est finalement la conclusion quand même dans ce domaine, sur ce problème du divin, dans la République, qui est l'expulsion des poètes et l'expulsion d'Homère, ce qui est quand même un acte de révolution culturelle aussi violent, même s'il est resté verbal, que la destitution de Confucius par Mao Tse-tung, si vous voulez. C'est resté verbal, c'est bien dit comme ça. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Or, ce qui est en jeu chez Platon, c'est une redéfinition du divin. Et c'est une redéfinition du divin selon une technologie qui est la définition socratique, où on cherche l'essence. Or, et où il s'agit de fonder une rationalité. Et qu'est-ce qui refuse Platon chez les dieux grecs? C'est leur inconstance, c'est leur métamorphose, c'est quoi? C'est qu'ils se retournent toujours. C'est ce que Van Gennep appellerait le pivotement du sacré. C'est-à-dire que le sacré est bienfaisant quand il est ici, et puis quand il est là, il est dangereux. Alors que pour Platon, si un dieu est un dieu, ben il est toujours bon. Il ne peut pas être méchant, il ne peut pas avoir de mauvaises pensées, il ne peut pas avoir d'envie. C'est-à-dire qu'il est sorti de la mimesis, dirait René Girard. Platon va exclure ça. C'est quand même une expulsion. C'est une tentative intellectuellement, prodigieusement... c'est éblouissant de dialectique, mais c'est quand même une façon, je dirais, assez violente d'exclure la violence. Donc c'est ça la fondation de la théologie platonicienne. C'est quand même... Là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est quand même énorme, enfin énorme, hein, et qui appelle... Alors, attendez, qu'est-ce que je... Oui. Mais quand même avec ce problème que Platon n'emploie pas le terme de le concept de théologia, ni de théologos, pour désigner sa propre... sa propre conception, notamment sa propre conception du divin. Mais il ouvre la voie à une nouvelle théologie. Alors, oui. Il ouvre la voie, il donne tous les arguments pour inventer une nouvelle théologie et qui est une rationalisation du divin, une mise en accord du divin avec la raison, selon un principe d'identité. Car qu'est-ce que Platon refuse chez les dieux ? Il refuse la querelle des dieux, la guerre des dieux, hein, qu'ils se fassent la guerre entre eux, qu'ils soient dans la jalousie perpétuelle, et la métamorphose, c'est-à-dire qui contrevienne au principe d'identité, si c'est un dieu, bon dieu, qui reste le même, et qui ne se déguise pas pour venir, voilà. Or, le refus de la métamorphose, c'est le refus de la magie, parce que la magie, c'est la métamorphose. Si j'ai une puissance magique, vous avez là, ça peut en faire du vin, enfin, je vais, voilà. Hein, bon, alors un dieu, il est... Alors, donc, c'est ce processus de raffinement. Et, vous voyez, d'ailleurs, c'est là, je ne sais pas que, si Platon avait vu la pièce de Ripide que vous citez, là, Hippolyte, mais Aphrodite qui veut se venger d'Hippolyte, parce qu'Hippolyte ne sacrifie pas à Aphrodite, hein, et ben, c'est le scandale pour Platon. C'est ce qu'on ne peut pas montrer, c'est ce qu'il faut censurer. Juste une remarque, juste une parenthèse dans ce que vous voulez dire, complètement pour quelque chose pour vous, pour ainsi dire. C'est que quand on regarde les néoplatoniciens, c'est-à-dire Proclus, Porphyre, etc., qui reprennent cette conception, effectivement, de la théologie, ils sont très gênés parce qu'ils veulent défendre le polythéisme. Oui. Et à ce moment-là, ils mettent en place des techniques d'interprétation des récits mythiques qui sont absolument extraordinaires et qui seront reprises plus tard dans l'herméneutique chrétienne. Il y a toute une histoire là qui est... Ah ben complètement. Vous êtes d'accord? Ah ben complètement. Et là, je suis totalement d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, effectivement, sur cette espèce de coupure platonicienne. Et c'est ça, moi, je crois qu'il va être la convergence. Enfin, c'est Platon fait une faille, a créé une faille dans l'hellénisme, dans laquelle le christianisme va s'enfoncer. Voilà. Hein, c'est bon. Alors, il y aurait plein. Alors, par exemple, vous avez évoqué un concept qui moi me paraît fondamental, celui de nourriture des dieux. Or, chez Platon, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il y a plus de... Les dieux, ils sont comme les hommes, ils vont se nourrir des idées. Ils contemplent les idées et c'est la nourriture divine. Ça remplace le nectar et l'ambroisie, comme ça, au moins, ils se saouleront plus la gueule et ils se taperont plus dessus. Voilà. Le philosophe roi se nourrit des idées et nourrit le peuple avec sa contemplation. Mais il transforme le concept de nourriture des dieux. Les dieux contemplent le bien et les idées, donc ils ne peuvent pas se battre. C'est pour ça qu'il faut censurer Homère. Donc le concept de nourriture est là. Platon ne va pas vider les temples, il est bien plus subtil que ça. Il va pas, c'est pas un soviétique. Hein, il ne va pas dire qu'il faut fermer les temples, mais il subvertit l'héritage. Hein, bon. Alors, donc il y a une révolution culturelle. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Oui, bah, sur ce problème de vocabulaire, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites théologie est un mot grec qui veut dire tout autre chose en grec que ce qu'il veut dire pour nous, c'est tout le problème. C'est tout le problème de la. Mais c'est aussi le fascinant de la culture antique. Et c'est pour ça que moi je suis un défenseur vraiment acharné des études classiques, parce que précisément ça pose le problème de l'interprétation d'une façon majeure. La République française, c'est pas la res publica romaine, et en même temps le mot en vient, et il n'y aurait pas de République française s'il n'y avait pas eu de res publica romaine, et en même temps c'est tout autre chose. Par conséquent, quel que soit le concept qu'on prend, on se heurte à ça, que ce soit celui de religion, de mythe, etc. Mais précisément, c'est le travail de l'interprétation, et je crois que c'est vraiment une des bases de notre culture. Il n'y a pas de culture sans herméneutique, quoi que veulent en dire certains gens aujourd'hui. Et si on a une défense à faire des études classiques, c'est précisément à cause de ça. Oui. Bon, oui, alors, sur le problème de... Je vais quand même arrêter, parce qu'il y a peut-être une personne qui me prend la parole. sur le problème des deux sens du mot religion, vous avez raison, mais je crois qu'il y a vraiment un article fondamental de Benveniste qui est remarquable qui résout le problème et qui montre très bien que le vieux mot est bien religio et qui veut dire réviser, repasser et que l'étymologie par religare, relier, est une invention chrétienne postérieure. Et que c'est bien, le contexte est bien cultuel. La religio romaine, c'est le formalisme dans l'accomplissement du... C'est le scrupule rituel. C'est le scrupule rituel. Et ça, c'est probable. Il faut partir de là. Et si on part de là, il faut se demander pourquoi il y a lieu d'avoir... Or, ce scrupule rituel, il est au principe du droit, il est du formalisme juridique, etc. Il a irrigué toute la vie politique antique. Donc, il n'est pas sans raison. Claude, tu as envie de... Juste à ce propos du scrupule rituel, il en allait de même pour les Grecs, en tout cas de l'Athènes classique, parce qu'à la fin du 5e siècle, ce qui fait scandale, c'est pas du tout qu'on puisse se moquer de Dionysos sur la scène attique, j'entends dans son sanctuaire, etc., par l'intermédiaire de la comédie, je crois, la certaine comédie d'Aristophane, mais la profanation des mystères, ou bien qu'on coupe le phallus des Hermès, etc., oui. ça fait un énorme scandale, à la fois religieux, politique, etc., avec d'énormes implications. Et ce qui est en jeu ici, c'est de nouveau plutôt la pratique rituelle que la représentation qu'on se fait des dieux et de leur histoire. La mythologie leur racontait assez d'histoires de toute espèce. Ouais. Là-dessus, ils pouvaient se permettre de l'humour, mais il n'y a pas d'humour dans le rite. Ah ouais. Et puis alors, juste à propos de Lévi-Strauss, là je me suis sans doute mal. C'est mal comprendre dans l'article. Il est vrai qu'il est destiné à un numéro d'Europe qui est consacré à Lévi-Strauss. Et j'avais l'idée de... Enfin, je voulais indiquer que Lévi-Strauss apparaissait un petit peu comme l'Apollodore des temps modernes. L'Apollodore étant probablement le auteur d'un manuel de mythographie. C'est le manuel de mythographie que nous connaissons, qui a beaucoup influencé toute la Renaissance. C'est de la mythographie, je suis d'accord. En fait, là, c'est un génial mythographe. C'est un génial mythographe. Mais c'est pas un ethnologue des mythes, c'est pas un historien des mythes. Et puis, en ce qui concerne le rôle joué par la mémoire, c'est tout à fait essentiel. J'en ai pas parlé ici, mais je dois maintenant aller faire un exposé sur les mythes grecs à l'école normale, à rue d'Ulm. Et je vais prendre la conception que Jan Assmann développe de la mémoire et de la mémoire culturelle, où il fait une distinction entre ce qu'il appelle Bindungsgedächtnis et Bildungsgedächtnis, c'est-à-dire une mémoire connective et puis une mémoire formative. La Bindungsgedächtnis étant liée au rituel et à l'oralité, et alors que la Bildungsgedächtnis serait liée aux religions du livre, etc., à l'écriture. Oui, mais sans voir que, notamment en Grèce, on a une combinaison entre, d'une part, ce qui est de l'ordre de la parole, et de la parole qui elle-même est ritualisée, etc., et réalisée en tant que pratique, que pratique rituelle. Donc, je pense que mémoire, vous dites quelque chose aussi qui ne soit pas. Et ça rentre dans le problème du culte et du passage du rite. Pourquoi le mythe et le culte sont quand même forcément liés? C'est que, vous dites, en reprenant, les catégories de Benveniste sur le récit et le discours, le mythe est du récit. Un autre jour, il était sur la Olympe, il a vu, etc., ils ont fait ceci, cela, c'est du récit. Tandis que dans le culte, on repasse dans le discours, c'est-à-dire on s'adresse au Dieu, et le Dieu nous parle. Et donc, on voit l'actualisation là, il y a un passage de la diachronie du récit à la synchronie du discours, qui est dans l'interaction. Oui. Vous voyez, le rituel est oral quand même, toujours finalement. Il revient à l'oralité. Et il remet dans l'interaction de l'actualité, du discours. On s'adresse au Dieu comme toi, présent, Vous le dites très bien, là, c'est dans ce lieu-ci, cette déesse qui est passée. Et la manière dont on s'adresse à lui, on le nomme, voilà. On nomme des épithètes, des qualités, etc., des tend à faire apparaître la divinité, à rendre présent dans le lieu même. Et donc là, elle n'est plus à la troisième personne, c'est-à-dire... Venise dit ça. Le récit, c'est la troisième personne, l'absent. Tandis que c'est dans le discours, c'est la première et la seconde personne, c'est-à-dire le présent. Donc là et bon, ça, c'est l'efficacité du rite. C'est l'efficacité du rite qui est actualisée. Une petite question marginale par rapport à ces tournants là, qu'on a introduits dans l'archéologie de Théologia. Comment est-ce que tu apprécies... exactement là, leur tournant que représente Varron à travers ce qu'on en connaît par Augustin dans la Cité de Dieu, parce que le pas qui est franchi est quand même extrêmement important. Oui, extrêmement important, on a un terme englobant, oui. Et c'est même très très frappant. Oui. Dans une perspective qui a quand même une tradition qui va jusqu'à Vico. C'est une tradition qui va jusqu'à Vico. C'est une tradition incroyablement, je ne sais pas comment dire, persistante. Ouais. Je lisais Vico, c'est mon site, et exactement ça. Parce que la dimension physique et la dimension civile... J'ai dit donc que je procédais à un saut aussi bien temporel que culturel, et les étapes intermédiaires, je ne me suis pas eu le temps de bien dire. Non, ça, on propose que fort intéressant. Hein. En passant par les épicuriens, notamment, probablement. Mais je sais pas. Probablement, oui. Je ne suis pas. Parce que c'est vrai que cette archéologie qui consiste quand même à remettre à sa place la position des poètes. Oui, oui. Et donc, le rapport avec une pragmatique, ça c'est très très éclairant. Les tournants dont on a parlé ne sont pas moins éclairants, mais effectivement, il suffit de les apprécier. Il faut les apprécier. Je pense que Varron est beaucoup plus dans une ligne aristotélicienne. Et Aristote réévalue les poètes contre Platon. Aristote est en retrait sur le radicalisme platonicien. Hein, et il réévalue la théologie des poètes, justement. Ça, c'est très net. Il y a des passages là-dessus. Il y a des passages où il réévalue ça. Ah oui, oui, oui. Ça, je crois que c'est... Oui. Dans le livre de Bodéus, sur Aristote et les dieux, il y a des passages là-dessus. Ouais.